can be dangerous. Microphone can be dangerous. Je tchatché, beaucoup de un Versace. Excusez, moi j'ai pas la tête prête à exploser. Débarquer, mon équipage de Lascar s'entend de voler. Balle, pas de larmes, compte combien de gars je rends. Moi j'ai la paye. Y'a la compétition sans corde, c'est sa dite de diction. J'ai comme des frissons, c'est comme une tique sans qui vient de Eli Greco, hey. Oui, voilà pourquoi je tchatche sur ce morceau. Je veux rester hardcore. Hardcore, quand je dis mes enfis, rends-moi fort. Mais rends-moi fort, rends-moi fort, rends-moi fort, rends-moi fort, yeah. Yeah. Où sont passés les M6 pour lesquels je glisse, vise à détrôner leur business. Appelle-moi le touche à tout, j'avoue de même. Passe partout comme un fou, rien ne peut m'arrêter. Invisible, imprévisible, j'improvise comme dans Mission Impossible. J'ai ma cible, écoute donc mes lyrics. Ton utrouillant bruyant pour longtemps. Je suis le phénomène d'aujourd'hui. Je m'introduis dans n'importe quel circuit. Demande à tous mes homeboys comment je tiens. Comment je tiens. Si tu veux rentrer dans la danse, mets de la place. Mets de la place. Demande à tous mes homeboys comment je tiens. Comment je tiens. Si tu veux rentrer dans la danse, mets de la place. Mets de la place. La tâche n'est plus qu'une simple entremise pour se différencier. Par le biais de notre signe représentons notre ville. Une façon de comprendre notre univers. Vos grandes réalités en réalité. Le hip-hop nous procure de nouvelles sensations, de nouvelles émotions, de nouvelles aspirations. Lorsque l'âme s'apaise, l'homme se perd dans cette atmosphère. Juste un mouvement, on leur demande un mouvement, yo. Juste un mouvement, on leur demande un mouvement, yo. Juste un mouvement, on leur demande un mouvement, yo. Juste un mouvement, on leur demande un move. Juste un mouvement, on leur demande un mouvement, yo. Juste un mouvement, on leur demande un mouvement, yo. Juste un mouvement, on leur demande un mouvement, yo. Juste un mouvement, on leur demande un move. Les sales mines se fichent, réchauffées par le. Mais moi je m'en fiche, kiffe le 6-6-9 comme un sumo, youl brille. Coupe largement le souffle à beaucoup de loose qui veulent nous pousser dans la voûte. Alors écoute, tu ris de la peine, co. Mais moi je la toco et nique ta pine, co. Puis l'orco, la jette, la récupère comme un salio, yo. Mon cerveau est comme celui des lions dotés d'un intellect en fusion. De la nouvelle école où tu picoles, t'écoles sur volant. Celle des barges en camisole, dont l'euro ne représente pas la métropole 6-9. Où le fric trop chic amène deux clics du flic qui s'applique de plaque. Clic, clic. Te mets de meneurs, te fouille de fond, t'encombre et t'emporte. Et te voilà époustouflé, catastrophé, métamorphosé. Juste un mouvement, on leur demande un mouvement, yo. Juste un mouvement, on leur demande un mouvement, yo. Juste un mouvement, on leur demande un mouvement, yo. Juste un mouvement, on leur demande un move. Mais juste un mouvement, on leur demande un mouvement, yo. Juste un mouvement, on leur demande un mouvement, yo. Juste un mouvement, on leur demande un mouvement, yo. Juste un mouvement, on leur demande un move. Une fois mon texte écrit, je commence, mes mots te viennent. C'est comme un psychopathe qui ne rate jamais sa cible. Mais quand je me dépense, je rappe tellement que t'as l'impression que j'ai de bouche. Et tu vois rouge à rouge, je veux pas souffrir. Je sais que tu te perds, n'oublie jamais le centre. L'air que tu respires devient le L-Y-O-N. Expire l'esprit du fauve qui ne fait que grandir en toi. Et bah c'est tôt que l'on nomme le 6-9. Et n'oublie pas le bœuf avec mes homeboys. Ne le prenez pas comme une insulte. La vie n'attend pas. Moi, je me sens mieux que quand je suis sur scène. Et qui croit venir m'empêcher d'exercer ce que j'aime. Mais qui viennent, et là je le fume. Et là je me sens mieux. Et là je le fume. Et là je me sens mieux. Me sens mieux. Me sens mieux. Mais oh boy, comment je tiens. Comment je tiens. Si tu veux rentrer dans la danse, mets de la peur. Mets de la peur. Demande à tous mes oh boy, comment je tiens. Comment je tiens. Si tu veux rentrer dans la danse, mets de la peur. Mets de la peur. Juste un mouvement, on leur demande un mouvement, yo. Juste un mouvement, on leur demande un mouvement, yo. Juste un mouvement, on leur demande un mouvement, yo. Juste un mouvement, on leur demande un move.